En het maar door mee zitten, Sjaan. Super vochtig. Ça doit tenir. Ah bon? On verra. Les arbres sont vieux. Hein. Ouais, oui. Alors, c'est sûr que c'est délicat. Ouais. Là, là, il n'y a pas trop d'appui. C'est pas un peu. C'est pas trop d'appui. Ouais. Mais vous pouvez faire attention. Hein. Le problème, c'est que je me pose la question, je ne sais pas si elles sont vraiment mûres. Si elles tombent, c'est que, vous voyez, elles sont pourries. Hein. Alors là, pour moi, c'est peut-être un peu vite. Je crois qu'on est au mois d'octobre. Hein. On verra bien. Attention, pas recevoir une pomme sur la tête. Ouais. Oui, oui, ça va. Il n'y a pas de problème. Voilà. Il y en a des pourris. C'est même sur l'arbre. Ils sont pourris sur l'arbre. Celles qui sont pas mûres, on va les laisser. Enfin, qui semblent pas mûres. Allez voir ça. C'est incroyable. Ouais. Hein. Il y a trop de fruits, c'est ça. Ouais, c'est pas l'idéal pour cueillir avec un cornet. Hein. C'est pas un problème.